La traversée de ces forêts est souvent très longue et pénible par conséquent, puisque rien ne protège le voyageur contre les ardeurs du jour. Un profond silence régnait dans ce vaste temple de verdure. Le soir venu, on campa au pied d'eucalyptus qui portait la marque d'un feu assez récent. Pendant toute la journée du 3 janvier, l'interminable forêt multiplia ses longues avenues symétriques. Cependant, vers le soir, apparut une agglomération de maisons régulières. « Seymour !» s'écria Paganel. Il était alors 9h. Toute la troupe pénétra dans les larges rues de Seymour et elle arriva droit à Campbell North British Hotel. Le major retint ses compagnons et leur dit « On connaît les auteurs du crime commis sur le chemin de fer. Ce crime doit être attribué à la bande de convicts échappés depuis 6 mois du pénitentiaire de Perth. Ils sont commandés par un certain Ben Joyce. »